À Jérusalem, extrait des journées de voyage en Syrie par le comte Eugène Melchior de Voguet. Le Saint-Sépulcre. Nos premières explorations ont naturellement pour but le Saint-Sépulcre, cœur et raison d'être de la Jérusalem chrétienne, qui se sert autour de la vieille église franque, comme la ville musulmane autour de la mosquée d'Omar. Le vaste temple est resté, comme nos cathédrales du Moyen-Âge, une maison commune, où la vie religieuse et la vie profane ont leur place, enserrés par une triple enceinte de couvents. Tantôt ils les pénètrent de ces chapelles ramifiées, tantôt ils se laissent pénétrer par le sacristie, leurs cellules, leurs communs. Un système compliqué de couloirs, de dégagements, d'escaliers, de portes, enchevêtrent les habitations monacales à la maison de Dieu. Les chapelles creusées dans le roc, les chambres des custodes, les divans des gardiens turcs, les dépôts d'huile et de cierge, tout se coudoie dans ce monde de pierre, où Quasimodo aurait pu élever une famille. On comprend les saints personnages qui ont passé 20 ou 30 années sans sortir de ces murs. Entrons-y donc un peu au hasard, cherchant les scènes pittoresques, les contrastes douloureux ou touchants dont il est sans cesse le théâtre, les émotions intimes qu'on ne saurait traduire sans en méconnaître la profondeur. En franchissant le seuil du parvis, on se trouve dans le divan des portiers musulmans, triste et nécessaire vestibule de la maison chrétienne. La garde en est confiée à une famille chez qui cette charge est héréditaire. 3 ou 4 Turcs, dont la mine est assez débonnaire et dont la grave indolence peut passer pour du respect, fument leur tchibouk, accroupis sur des nattes. On passe, et les premières figures qu'on rencontre annoncent la Babel chrétienne. Tous les types des races humaines se croisent ici, tous les costumes du globe s'y mêlent, toutes les langues y retentissent, tous les rites y déploient leurs cérémonies. Catholiques, grecs, arméniens, coptes, abyssins ont leurs autels séparés. Les sanctuaires les plus vénérés sont communs à tous, mais chacun n'y peut officier qu'à son heure, rigoureusement déterminé par des règlements anciens. La foule se presse surtout à l'entrée de l'édicule qui renferme le tombeau. 3 visiteurs seulement peuvent y tenir ensemble, fort gênés par le caloyer de garde, qui fait une grosse recette en vendant des cierges. Ce remuant personnage tourmente sans relâche, pour les faire sortir, les pèlerins qui nuisent à son commerce en s'attardant dans une méditation trop prolongée. Une femme fella attend son tour, assise sur les marches, en allaitant son enfant. Un Albanais prend patience en mordant à belles dents dans son pain. Un circassien prosterné sur le pavé le frappe bruyamment du front. Les cordeliers traînent leurs robes de bure. Les papas orthodoxes s'agitent, nombreux, loquaces et affairés. Une même pensée sort de tous ses cœurs et de toutes ses lèvres, traduite en 20 idiomes, formulées en autant de symboles différents. Si le philosophe se complaît à l'idée de l'harmonie supérieure faite de toutes ces dissonances, le croyant est douloureusement distrait par les compétitions ardentes des communions rivales, cantonnées dans les différentes parties du monument. Quel voyageur, au spectacle de ces éternelles dissensions, n'a fait le rêve de voir tous les enfants de Jérusalem, dont le nom signifie en hébreu, par une étrange ironie, l'héritage de la paix, donner dans le premier temple de la chrétienté l'exemple de la concorde prêchée par leur maître, rêve bien naturel, mais dont les passions humaines au service des choses divines ne permettront jamais la réalisation. On en peut du moins avoir l'illusion pendant la semaine sainte, en entendant prêcher les mystères dans toutes les langues du globe. Le pèlerin qui parcourt alors les divers sanctuaires y rencontre des moines parlant simultanément au peuple en latin, en italien, en français, en grec, en arabe, que sais-je encore. Les processions des divers rites se développent solennellement dans les détours de l'édifice, les Grecs dans le cœur éclatant d'ornements d'or et de mosaïques, les Latins dans les ténèbres séculaires qui règnent sous les voûtes du Nord. Trop souvent, les pieuses armées, en se rencontrant, s'irritent, se querellent, se heurtent. Leur bannière pacifique s'étonne de les mener au combat, et le sang coule sur ces dalles qui en ont tant bu. C'est à cette même époque, dans la nuit du samedi saint, qu'on peut assister à la curieuse cérémonie du feu sacré des Grecs. Le patriarche, s'enfermant dans le Saint-Sépulcre, communique par la lucarne à la foule impatiente qui emplit l'église depuis la veille le feu nouveau qu'un ange est censé lui apporter du ciel. Chacun se précipite pour allumer des premiers son cierge à la flamme céleste et s'enfuit aussitôt pour la faire vénérer au sien. Des cavaliers, venus de districts lointains, attendent, leurs chevaux scellés à la porte, pour apporter une parcelle du feu sacré dans leur village. Une frénésie furieuse s'empare de cette turbulente foule grecque. Des clameurs sauvages ébranlent la voûte. Il est rare que cette cérémonie, legs évident du paganisme, s'achève sans accident grave. On se souvient de la catastrophe fameuse de 1833, où plus de 300 personnes périrent étouffées, où Ibrahim lui-même n'échappa qu'à grand-peine à la même mort. Que de monuments chrétiens nous appellent encore au sortir du grand sépulcre, que de ruines vénérables, sans parler de la savante restauration de l'église Sainte-Anne, due à notre habile architecte M. Mauss. Je les abandonne à de plus autorisés pour remonter la voie douloureuse, artère principale de la ville, et les stations qui rappellent les défaillances du Christ. Nous nous arrêtons un peu avant le Saint-Sépulcre. Nous franchissons l'enceinte du couvent copte des Abyssins, adossée au chevet de la cathédrale. Dans les cactus et les figuiers qui croissent devant leurs cellules misérables, semblables aux cabanes en pisé des bords du Nil, circulent des fellahs, des Nubiens, des Abyssiniens, descendant toute la gamme des tons noirs, depuis l'olive jusqu'à la suie, que le soleil s'est plu à graduer du Caire à Gondokoro. Il ne tient qu'aux voyageurs, en pénétrant dans cette cour, de se croire transportés sous le tropique. Les moines coptes, enveloppés dans leurs sarraux de cotonnade bleue, font penser à leurs ancêtres de la Thébaïde. Ces chrétiens de l'Éthiopie et du Soudan, ces religieux à face nègre, ont de temps immémorial leurs autels et leurs privilèges au Saint-Sépulcre, où toutes les formes de la foi doivent être représentées. La mosquée d'Omar. Nous avons consacré ces derniers jours à l'étude du Haram el-Sherif, le sanctuaire auguste, l'enceinte qui a contenu le temple de Jéhovah et qui rassemble aujourd'hui les monuments musulmans. Le principal d'entre eux, la mosquée d'Omar, est le chef-d'œuvre le plus accompli de l'art arabe. On pénètre dans le Haram par la porte occidentale dite Bab el-Moghrebi, la porte des Moghrabins. Sous la voûte et devant la fontaine, décorée avec la fantaisie exquise du goût mauresque, veillait encore, il y a 10 ans, des noirs féroces, le sabre au poing, prêt à faire tomber la tête du djaour qui osait franchir le seuil sacré sans un firman rarement obtenu. Aujourd'hui, les nègres ont disparu. Les imams gardiens du sanctuaire se sont apprivoisés devant l'affluence croissante des Européens et l'éloquence irrésistible des bakchiches qui pleuvent de leurs mains. Cette porte franchie, on se trouve dans le haram, cité sainte dans la cité commune, dont elle occupe presque un quart en superficie. C'est le sommet du mont Moria, aplani au nord par des nivellements, prolongé au sud par des remblais. Les travaux gigantesques des rois de Juda en ont fait une plateforme d'environ 500 mètres de long sur 300 de large. Ce quadrilatère est enfermé dans une enceinte de murailles antiques, continuée au sud et à l'est par le mur même de la ville, et se rattachant au nord à la tour Antonia, la vieille citadelle romaine. Au milieu de cette esplanade, une seconde plateforme, entièrement dallée en marbre, supporte la mosquée du calife Omar, qui occupe l'emplacement précis du temple d'Israël et se détache avec une majesté incomparable sur ce piédestal, visible de tous les points de l'horizon de Jérusalem. Moins que tout autre, j'ai le droit de toucher un sujet qui a été épuisé par l'auteur du temple de Jérusalem, et je n'essaierai pas de redire la majestueuse ordonnance de cette belle mosquée d'Omar, les splendeurs de la lumière sur ses parvis, l'effet toujours nouvel qu'elle y donne aux yeux. Tamisée et décomposée par de savants derrière, tantôt réveillée par les cubes de cristal des mosaïques et les ors des plafonds, tantôt éteinte par l'ombre des colonnes de porphyre et des tapis de Perse, elle atteint une intensité d'effet que lui envieraient nos plus mystérieuses basiliques. Que d'heures émerveillées j'ai passé à suivre ces jeux, en écoutant les légendes que me racontait l'imane sur la terre de la Sacra, le vieil hôtel des Holocaustes, quartier de roc, fruste élaboré par le temps, qui se dresse dans sa nudité originelle au milieu de tous ces matériaux précieux artistement travaillés. La main de David l'a touché et l'est suspendue sur l'abîme par celle des anges. Les Juifs. C'est le bénéfice de cet étrange pays que la vie contemporaine y offre sans cesse l'éloquent commentaire de l'histoire passée, l'illustration des réflexions que cette histoire inspire. J'en ai eu un nouvel exemple aujourd'hui en allant voir les Juifs pleurer au mur du Temple, curieux spectacle que Jérusalem réserve tous les vendredis à l'étranger. Une belle gravure de M. Bidal a popularisé chez nous. Le mur d'enceinte du Haram, qui regarde vers l'ouest, à l'intérieur de la ville et proche du mont des Maccabées, s'est conservé jusqu'à une grande hauteur tel qu'il était aux époques reculées où Israël possédait en paix la ville de David, assise de blocs énormes, à refend et en retraite, d'aspect fruste et vénérable. C'est le débris monumental que la tradition fait remonter avec plus de vraisemblance au roi Salomon. Un étroit couloir est ménagé entre ce mur et les masures modernes. Les Juifs, à qui l'entrée du parvis sacré est rigoureusement interdite, ont acheté les Turcs, moyennant finances, le droit d'y venir pleurer sur les ruines des monuments de leurs ancêtres. La tradition est vieille chez eux et date de la dispersion de Titus. Les Romains, les Perses, les Croisés ont tour à tour prélevé sur cette piété nationale un lourd tribut. Les avares proscrits l'ont continué à s'émettre successifs de leur patrimoine, estimant plus que leur or l'ineffable joie de toucher les vestiges de leur grand roi, la porte de l'enceinte paternelle d'où on les chasse. Saint Jérôme témoigne de l'antiquité de cette coutume dans une de ses lettres. « Vous y verrez ce peuple lugubre venir pleurer sur les ruines de son temple, » écrit-il. C'est là qu'un philosophe devait aller méditer sur la vitalité persistante des religions et la réprobation mystérieuse de la famille hébraïque. Au pied de la muraille géante, contre la première assise dont les têtes atteignent à peine le faîte, une foule compacte se presse et couvre les pierres vénérées de baisers, de caresses et de larmes. Quelques-uns ont les vêtements du pays, gombasses de soie aux couleurs éclatantes. Mais la grande majorité, juifs de Pologne, de Russie, de Valachie, porte cet inénarrable costume qui nous a tant frappés à Safed, où nous le vîmes pour la première fois. Les femmes, enveloppées dans leur voile blanc, se mêlent à ces pieuses douleurs. Les voilà tous, au nombre de plusieurs centaines, étreignant les pierres de leurs mains crochues, balançant la tête et le corps avec les ondulations rythmées de la prière orientale, psalmodiant sur une gamme aiguë les lamentations des prophètes ou des litanies en plat allemand. Par moments, le chant et l'ébranlement de tête s'apaisent, puis au cri d'un coryphée, le long cordon des calottes fourrées, des turbans, des chapeaux européens, recommence à descendre et à monter avec des mouvements de houle en fureur. Beaucoup pleurent réellement sur la muraille sacrée et cruelle qui leur cache la vue du Moria et du parvis de Salomon. Le musulman qui va prier à la mosquée maudit les pariaonis. Les touristes venus en partie de plaisir rient à gorge déployée des détails grotesques de la scène. Impassibles sous le mépris et l'insulte, ils jettent en dessous un regard chargé de haine à l'infidèle et continuent, sans se laisser distraire, leur lamentable commémoration. Une indicible pitié saisit le spectateur à la vue de cette éternelle infortune, de ce patriotisme sans défaillance, quoique sans aliment. Le cœur se serre, et la raison est confondue. Quelle évocation historique pourrait lutter d'étrangeté et d'invraisemblance avec ce fait actuel, l'apparition de ce peuple indéfectible, qui revient du fond des siècles mythiques en pleine vie moderne, comme le spectre de Bargioras au milieu des Romains, pour maudire un attentat vieux de 2000 ans, pour prier et pleurer, avec une passion toujours jeune, dans une langue éteinte, sur les ruines d'un temple dédié à un culte mort. Vis-à-vis de toutes les branches de la famille chrétienne, comme Ismaël contre ses frères, la tribu juive haineuse et fermée végète dans sa misère, malgré quelques établissements dus à la munificence de ses riches coreligionnaires d'Europe. Ignorés et méprisés malgré leur nombre, parqués dans un quartier étouffé, dans des synagogues borgnes, chassés de tous les lieux consacrés par la Bible, l'Évangile ou le Coran, les fils d'Israël nourrissent plus que tous les autres des prétentions d'avenir et la persuasion d'une renaissance nationale. Ils arrivent de tous les coins de l'Europe, étranges comme j'ai essayé de les dépeindre, avec la régularité instinctive des oiseaux émigrants, ajouter des tombes à celles de leurs aïeux. Un chiffre donnera une idée de leur importance numérique, si peu en rapport avec leur importance religieuse et politique qui est nulle. Sur toute la population de Jérusalem, qui se monte à 26 000 âmes environ, les Juifs comptent pour plus de moitié, 14 000 âmes. Le reste se décompose comme il suit. Chrétiens, 7 ou 8 000, musulmans, 4 ou 5 000. La plupart de ces derniers sont des bédouins du désert ou des citadins arabes. Le surplus est fourni par les Turcs, fonctionnaires et soldats. Ces derniers planent tranquillement au-dessus des autres groupes, tenant eux aussi Jérusalem pour une ville sainte, vénérant le prophète dans le haram, appelant les croyants à la prière du haut des clochers transformés en minarets, surveillant les chrétiens dans les sanctuaires qu'ils leur accordent, interposant entre leur autorité incontestée, élément pondérateur et nécessaire, clé de voûte qui retient cet assemblage de matériaux hétérogènes et l'empêche de s'effondrer dans l'anarchie et le sang. Les Russes. Nous avons été visiter aujourd'hui les établissements russes, à 10 minutes de la porte et sur la route de Jaffa. De quelques points de l'horizon qu'on regarde Jérusalem, l'œil est attiré et préoccupé par cette masse blanche qui couronne la colline de l'ouest et domine la cité allongée à sa base. Qu'on descende des plateaux de Naplouse ou qu'on monte de Jaffa, cette église sainte de maison apparaît la première aux voyageurs, comme une sentinelle ou une gardienne de la ville. Mieux encore que la croix grecque et le drapeau des tsars, la richesse, l'importance de ces constructions lui apprendront leur nationalité. Le consul, logé dans une élégante villa qui fait partie du groupe des bâtiments, nous reçoit avec affabilité et nous montre en détail, avec une satisfaction bien compréhensible, l'œuvre due à la charité et à la sagacité de ses compatriotes. Un hôtel de 60 lits, largement et confortablement installé, une pharmacie, un hospice, au vieux sens du mot, maison disposée pour des pèlerins pauvres, avec des chambres proprettes destinées aux voyageurs plus aisés, une chapelle intérieure, une grande et belle église, des dépendances nombreuses, rien ne manque à la petite cité moscovite. Médecins, pharmaciens, infirmiers, dames hospitalières attendent les malades et les indigents. Je ne puis m'apesantir sur les 1000 petits détails qui révèlent une main généreuse, autant que prévoyante. Ce qu'il faudrait faire comprendre pour restituer aux moindres choses toute leur valeur et leur suprême intérêt, c'est l'impression irrésistible de puissance, de richesse, de persévérance et de vitalité qui se dégage de tout cela. On dit que la Russie a déjà enfoui, je me trompe, semé 4 millions dans ce champ qui ne restera pas improductif. Comparez cette somme aux quelques misérables milliers de francs que les autres puissances envoient à leurs coreligionnaires et déduisez-en la force de l'action exercée de part et d'autre. Tout ceci n'est rien encore. Ce n'est que le cadre. Mais si l'on observe les singuliers hôtes attendus dans cette demeure, on s'étonne, j'allais dire on s'effraie, de bien autre façon. Rien ne peut faire comprendre à notre société si déshabituée de pareilles impulsions le courant de dévotion ardente qui jette chaque année 3 ou 4 000 pèlerins russes sur les lieux saints. Pour s'expliquer cette croisade pacifique, il faut remonter à nos siècles de foi absolue, aux pionniers de l'Europe catholique en Orient, à ses compagnons de Pierre l'ermite, ses précurseurs des croisés, qui arrivaient à pied, le bourdon à la main, du fond des Flandres de la Bretagne à Jérusalem. De même, rien mieux que ce spectacle ne peut nous aider à restituer ces époques historiques. Sous plus d'un rapport, ce peuple russe en est encore au même âge que nos pères du XIe siècle, au même degré de ferveur et de naïveté puissante. Aidé par un gouvernement soucieux d'utiliser un pareil levier, il s'ébranle périodiquement au fond de ses steppes comme une migration d'oiseaux du Nord. Le paysan de la petite Russie, le moujik de Moscou, le serf de Sibérie, le circassien des provinces chrétiennes du Caucase, le bulgare du Danube, les marchands de Nijni ou d'Arkhangel, se réunissent à Odessa, où des paquebots les prennent gratuitement et les transportent de Jaffa. De là, ils font à pied, en chantant des cantiques, la longue route qui mène à travers les montagnes jusqu'à Jérusalem et sont reçus pour la plupart dans la communauté. Je les ai vus dans l'hospice, dans leur église et souvent surtout au Saint-Sépulcre, coiffés de la casquette nationale, frileusement pliés dans leurs longues lévites, ils ôtent à l'ombre du sanctuaire leurs grandes bottes rougies par les neiges, se prosternent sur le pavé avec des signes de croix répétés et prient avec ferveur. Et il ne faudrait pas confondre ces démonstrations avec les simagrées machinales du dévot grec. Il suffit de regarder ces physionomies où le sentiment se traduit avec la jeunesse et la gaucherie naïve des figures de nos cathédrales gothiques. Ses yeux ardents sous ses longs cheveux retombant en boucles sur les épaules, pour y surprendre une flamme de foi véritable et immense. Beaucoup ne croient pas leur pèlerinage achevé à Jérusalem et le continuent jusqu'au Sinaï. Ils affrontent les fatigues et les misères de plusieurs mois de marche dans les déserts arabiques pour aller baiser les rochers touchés par Moïse. On conçoit maintenant ce que peut donner une pareille force savamment développée et dirigée. Si l'on ajoute à cet enthousiasme religieux les qualités d'obéissance et de respect qui nous ont frappés chez la plupart de ces hommes, on se dit qu'il n'y a pas de limite à l'action possible d'un bras servi par un aussi merveilleux instrument. Il faudrait vraiment une sagesse surhumaine pour ne pas être tenté d'en abuser. On a 4 000 pèlerins aujourd'hui. On en aura 40 000 demain, si l'on veut, si l'on peut les loger et les nourrir. Un peuple entier viendra sur cette colline, soumis, dévoué, ardent. Le jour où l'on voudra, sur un mot, sur un signe, il se ruera à la délivrance du Saint-Sépulcre, et avec le même entrain, avec la même abnégation que les compagnons de Godefroy de Bouillon. Mais j'écarte ces éventualités violentes. L'action lente et intense d'un pareil mouvement moral s'exercera en dépit de tout. Aussi, en parcourant ces belles salles, en admirant les attentions maternelles de la Russie pour ses enfants et les sacrifices qu'elle impose, on sent à travers tout cela la fermentation de germes féconds, une expansion irrésistible et forte à briser des roches, comme un frémissement sourd de moissons qui mûrissent. La vie à Jérusalem. Je voudrais pourtant, avant de quitter Jérusalem, résumer la physionomie de l'étrange ville et l'impression morale qu'elle laisse. J'ai dit la désolation de son aspect matériel et la tristesse de ses abords. J'ai prouvé qu'on y vit en quelque sorte d'une vie rétrospective par les débris des âges passés qui racontent son histoire. que le promeneur, le moins prévenu en parcourant cette ville arrêtée dans le temps, se sépare tout naturellement de la pensée contemporaine et commerce familièrement avec les Juifs, les Romains et les Croisés, qui parlent seuls dans le silence présent. Mais du cadavre qui gît dans ce tombeau, l'âme a survécu. Si tous les bruits de nos villes se taisent dans celle-ci, si leurs conditions essentielles d'existence en sont absentes, il est un des côtés de l'activité humaine qui s'est développée avec une intensité exclusive, qui a confisqué à son profit tout l'effort de pensée des habitants et des hôtes de Jérusalem. Pour faire comprendre comment il vous saisit dans ce milieu au détriment de toute autre préoccupation, il faut demander à l'homme de notre temps un déplacement absolu de ses habitudes, de ses intérêts et de ses points de vue. Cet élément social, à qui, chez nous, la place est mesurée chaque jour d'une main plus avare et qui s'est maintenue à Jérusalem, étouffant tous les autres, c'est l'élément religieux. Le commerce, le luxe, l'industrie. Ces grands soucis de toute agglomération d'hommes n'existent ici que pour les nécessités premières et les objets de piété. L'agriculture est dérisoire. Le pays exporte tout au plus quelques sacs d'olives. Le projet, caressé par quelques ingénieurs européens, d'un chemin de fer reliant Jaffa à Jérusalem, est tombé et tombe à chaque fois devant l'impossibilité d'alimenter la ligne, non moins que devant une sorte de réprobation morale, soulevée par cette association d'idées et de mots qui hurlent ensemble. Tandis que la plus petite bourgade du Levant, dévorée aujourd'hui par le démon de l'agio, a sa bourse dans un café ou dans un camp, Jérusalem n'en a pas. Les Grecs et les Juifs y vivent, ô miracle, sans faire d'affaires. Le plaisir est encore plus sévèrement banni que le travail de la cité sainte. L'hiver dernier, monsieur le consul de Russie, ayant voulu donner un modeste bal, cette idée fut accueillie comme une monstruosité. Chacun garde, sous la pression de l'atmosphère générale, une certaine retenue d'action et de parole, comme sous le coup d'un deuil commun. On marche et on cause dans la rue comme dans une église. On ne pense même pas aux distractions de nos villes. On s'étonnerait de les rencontrer ici. Il n'y a d'autres intérêts locaux que ceux qui se rattachent aux questions religieuses, d'autres séditions que celles nées au pied de l'autel, d'autres travaux intellectuels que ceux consacrés au prosélytisme et aux recherches théologiques. C'était à Jérusalem, extrait des journées de voyage en Syrie par le comte Jean Melchior de Voguet.